Tu es la rose éclos un joli matin de printemps. J'aime ton regard, il m'ensorcelle. Ma belle, pour toi je serai un prince charmant. You never smoke ganja, but you.